Nouvelle 15, faits divers et d'été. Une lettre reçue la semaine dernière de Chalon-sur-Saône n'a pas laissé que de me piquer au vif. Mon grincheux correspondant me demande, quousque tandem, je le raserai avec mes histoires à dormir debout. Il me dénie toute ingéniosité dans les aperçus. La fantaisie, considère-t-il, m'est à jamais rebelle. Il ajoute froidement que mon style est saumâtre et galipoteux. Tous ces reproches ne seraient rien encore sans un post-scriptum venimeux, postale flèche du part, dans lequel il ne me l'envoie pas dire. Bernet le lecteur est d'un art facile. Gageons, cher monsieur, que vous ne serez pas foutu, sic, de tourner un simple fait divers. À ce dernier reproche, dois-je l'avouer, mon sang n'a fait qu'un tour, et encore. J'ai trempé dans l'encre mon excellente plume de Tolède, et j'ai rédigé, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, un petit lot de faits divers qui ne sont pas, je m'en flatte, dans une potiche. Depuis que Laffitte est devenu ministre, pour avoir ramassé une épingle dans la cour d'une banque, je ramasse tout, même les défis. Voici mon petit essai. Temps probable pour demain. Sec avec peut-être de la pluie. Température relativement élevée à moins d'un abaissement thermométrique. L'accident de la rue Quincampoix. Un jeune ouvrier menuisier, le nommé Edmond Q, âgé de 48 ans, était occupé à remettre des ardoises à la toiture de la maison 6 au 328 de la rue Mazagran, lorsqu'à la suite d'un étourdissement, il fut précipité dans le vide. L'accident avait amassé une foule considérable et ce ne fut qu'un cri d'horreur dans toute l'assistance. On s'attendait à voir l'infortuné s'abattre sur le pavé quand, en passant devant la fenêtre du premier étage, quelle ne fut pas la surprise de la foule en constatant que l'ouvrier, sollicité par les œillades d'une femme de mauvaise vie qui s'y trouvait, et comme il en pullule dans ce quartier, s'arrêta dans sa chute et pénétra par la fenêtre dans la chambre de la prostituée. Les médecins refusent de se prononcer sur son état avant une huitaine de jours. Les nouveaux wagons de la Compagnie de l'Ouest. Un bon point à la Compagnie de l'Ouest. On vient de mettre en circulation les nouveaux wagons pour priseurs. Une plaque de cuivre, sur laquelle se trouve inscrit le mot priseur, indique la destination de ces voitures. Il sera donc interdit désormais de priser dans d'autres compartiments que ceux réservés ad hoc. À partir du 1er juillet, tous les wagons de première classe seront munis de glaçouillottes, qui ne sont autres que les bouillottes dans lesquelles l'eau chaude est remplacée par de la glace. Il est à souhaiter que pareille mesure s'applique aux deuxièmes classes et même aux troisièmes. Terminons par une bonne nouvelle. La Compagnie de l'Ouest vient enfin de donner satisfaction aux incessantes réclamations des mécaniciens. L'hiver prochain, sur toutes les grandes lignes, les locomotives seront chauffées. Encore les bicyclettes. Monsieur le préfet de police, au lieu de pourchasser les bookmakers et les innocentes petites marchandes de fleurs, ferait beaucoup mieux de songer à réglementer les bicyclettes qui, par ces temps de chaleur, constituent un véritable danger public. Encore hier matin, une bicyclette s'est échappée de son hangar et a parcouru à toute vitesse la rue Vivienne, bousculant tout et semant la terreur sur son passage. Elle était arrivée au coin du boulevard Montparnasse et de la rue Lepic, quand un brave agent l'abattit d'une balle dans la pédale gauche. L'autopsie a démontré qu'elle était atteinte de rage. Une voiture à bras qu'elle avait mordue a été immédiatement conduite à l'Institut Pasteur. Où la falsification va-t-elle se nicher? On vient d'arrêter et d'envoyer au dépôt un charbonnier, le nommé Gandillot, qui avait trouvé un excellent truc pour faire fortune aux dépens de la bourse et de la santé de ses clients. Cet honnête industriel livrait à ses pratiques, au lieu de l'eau qu'on lui demandait, un petit vin blanc de son pays qu'il achetait à vil prix. La fraude n'a pas tardé à être découverte grâce à l'indisposition d'une vieille dame d'origine polonaise, la veuve Mazur K. Rentière, qui envoya au laboratoire municipal le liquide douteux. Le brave Auvergnat aura à rendre compte à la justice de son ingénieuse combinaison. Baisse accidentelle de la Seine. Un accident étrange et par bonheur assez rare vient de jeter la perturbation chez tous les riverains de la Seine. Un énorme chaland, chargé de papier buvard, est venu heurter une des piles du pont royal. Une voie d'eau se déclara et le bâtiment coula immédiatement. Le papier buvard contenu dans le chaland absorba bientôt toute l'eau ambiante et il s'ensuivit un abaissement de 1,20 m dans l'étiage du fleuve. Les pompiers du poste de la rue Blanche, mandés sur le champ, arrivèrent et se mirent en devoir de rétablir les choses en leur état. Après 6 heures de travail acharné, la Seine avait repris son niveau normal. Malheureusement, les braves pompiers, dans leurs ailes, ne manquèrent pas de causer force dégâts. Signalons notamment l'établissement de bains froids de Ligny qui était littéralement inondé. Un peu moins de zèle que diable. « Eh bien, mon vieux Chalonnais, suis-je foutu, sic, de tourner un fait divers, oui ou non ?»